Fadjet, c'est l'été en Lorraine. C'est une toute première pour la base nautique de Messin. Le Happening Fest débarque le samedi 30 août à partir de 15h avec musique, stand-up et bonne humeur bien sûr. On en parle avec Anthony Jost, bonjour. Bonjour Yves. C'est donc l'association Happening Mike qui organise ce rendez-vous. C'est ça, tout à fait. Oui. On avait à cœur de pouvoir faire un premier festival puisque l'association a quasiment un an, tout pile. À force de stand-up et de concerts un petit peu dans les endroits de l'agglomération de Nancy, on s'est dit pourquoi pas lancer un petit festival. La base était de lier des bars de Nancy, des partenaires, des brasseries, des choses comme ça. Un peu comme le précurseur du BBC ou de la Plantation l'ont fait, et le font encore d'ailleurs. Et nous, en fait, on a formé ici un espèce de groupement avec plusieurs humoristes qui viennent jouer en libre ou qui peuvent venir jouer avec l'asso. Et on leur propose des plateaux sur Nancy et l'agglomération, où on est demandeur aussi beaucoup dans les petits villages. Et l'idée d'un festival, c'était dès le début ou c'est arrivé au fur et à mesure? Non, c'est arrivé au fur et à mesure en fait. Ça a pris quelques mois en y pensant, puis tous les mois on a fait une petite réunion. C'était un peu la base après des réunions, on s'est vraiment focalisé là-dessus, parce que c'est quand même beaucoup beaucoup de travail. Mm-hmm. Il faut beaucoup de partenaires, il faut demander beaucoup d'autorisation. Et on a eu pour ça l'occasion de pouvoir faire un petit stand-up privé avec la communauté de communes de Chaligny et de Neuve-Maisons, etc., de tout le Moselle et Madon, ce qui nous a permis juste derrière de pouvoir appuyer un petit peu le festival. Vous aviez déjà aussi l'idée d'aller sur la base nautique de Messin aussi? Ou ça s'est fait un peu par hasard? Parce que la première édition du stand-up s'est fait sur la base nautique de Messin, mais juste sur un tout petit palier, devant la petite base de loisirs. Il y avait une quarantaine, cinquantaine de personnes. Et on a fait notre premier happening mic, entre guillemets, sans faire happening fest, avec un stand-up en plein air. Et donc le 30 août va avoir lieu sous forme de festival, l'happening fest. Alors, qu'est-ce qui va se passer ce jour-là? Alors, la différence du stand-up pur dans une salle ou directement en plein air, que quand on a que le stand-up, là on garde vraiment un format festival. C'est-à-dire qu'on a l'entrée à partir de 15h, avec un aspect familial, hein, tout le monde peut venir. Et à 18h30, on continue un peu le festival. Sauf que les places sont limitées. On a une salle des fêtes qui est directement sur le site, qui accueille 200 personnes de public pour pouvoir faire une programmation de stand-up d'environ 1h30 avec 5 artistes. Donc c'est moi qui vais faire l'animation. Et à ce moment-là, après, les gens ressortent vers 19h30, 20h et on garde cet esprit festival guinguette où les gens vont pouvoir manger, boire un verre, etc. Et il y aura encore des concerts. Donc on a à peu près entre 7 et 8 artistes musicaux et stand-up en tout. Que des artistes locaux, voilà, pour le coup. Que des artistes locaux. Le stand-up, il y a un petit peu de la région, il y a même quelqu'un qui vient de Bruxelles. Je laisse les surprises sur les noms des artistes, mais c'est des gens avec qui j'ai l'habitude de travailler, ou en tout cas m'accompagnent sur les stand-up, et vice-versa, eux aussi me font venir des fois quand je peux jouer en libre, parce que je fais partie aussi un petit peu du stand-up à la base. Vous allez donc proposer cette première édition, qu'est-ce que vous attendez d'un festival comme ça? Parce que vous avez dit, c'est quand même une grosse préparation, ça mobilise pas mal de monde et d'énergie. Ah bah la première chose, c'est qu'on attend du monde. Surtout ça, surtout du monde, de la bonne humeur, que les gens se sentent bien, que les gens puissent rire, que les gens puissent en profiter. Et puis voilà, c'est le but, c'est vraiment de mettre de l'ambiance, de la bonne humeur, et qu'on puisse rire à tout ça. En plus, c'est le 30 août, c'est juste avant la rentrée. Les gens sont toujours un petit peu moroses, donc ça va leur faire du bien. C'est une très bonne idée. Donc c'est à partir de 15h, vous l'avez dit, avec une ambiance familiale sur la base nautique de Messin. Oui. Après, donc c'est dans la salle, faut réserver, comment ça se passe? Alors la réservation, elle est sur deux formats de billets, donc les gens qui veulent voir le stand-up, attention, c'est des places limitées, donc c'est 15€ le stand-up plus l'accès au concert, etc. Et uniquement pour les concerts, si les places sont déjà prises ou si les gens ne veulent pas voir de stand-up, c'est 10€, mais ils peuvent profiter quand même de la base de loisirs, puisqu'il y aura encore de l'activité musicale pendant le stand-up à l'extérieur. Et vous avez un site internet où comment on peut aller réserver? Alors, on peut retrouver la billetterie sur des fly sur Nancy et surtout sur Instagram. Donc Instagram, c'est Happening, H-A-P-E-I-N-G, le petit tiret M-I-C, Happening Mike. Sur Instagram, vous avez la billetterie avec tous les réseaux et tous les liens pour prendre les billets et aussi se connecter et voir tout ce qu'on propose. Donc on vous souhaite plein de monde, du soleil un petit peu quand même. Surtout le soleil, parce qu'on a une assurance annulation, mais si on pouvait éviter de la prendre, ça serait top. On peut encore faire un peu le stand-up à l'intérieur de la salle, ça peut éviter la pluie aussi. Et une nouvelle saison après pour les Happening Mike, d'autres rendez-vous? Il y aura d'autres rendez-vous. On a un rendez-vous au mois d'octobre à Chaligny, donc là où il y a le siège, c'est là où on habite. En fait, on va faire October Rose avec des partenaires associatifs du village. Et sinon, on continue dans les brasseries. Donc je donne quand même un remerciement aux partenaires. Donc il y avait la brasserie Wallace, brasserie Jeanne et Serge, le Nirvana, donc voilà. Rendez-vous donc le 30 août, c'est à la base nautique de Messin, déjà c'est pour ça. Le premier rendez-vous, et puis on n'hésite pas à vous suivre sur les réseaux sociaux. Facebook et Instagram, Happening Mike. Merci Anthony. Merci Yves.